j'adore ce son, hein. Ken et Samet à l'instant, ça va aller. On est en direct, hein, jusqu'à midi. Ça se passe comme ça, c'est le morning pour bien vous réveiller un peu partout en France. Avec évidemment l'horoscope qui arrive dans moins de 3 minutes. Mais avant ça, la dernière bombe de Jennifer Lopez. Bah ouais, on est en direct, hein, jusqu'à midi. On n'oublie pas ce soir le Planet Mix de l'été. Hier c'était DJ Sef, ce soir c'est DJ Netech qui prend le contrôle. 20h-22h. Ce sera évidemment animé, bah pas moi-même. Je serai là ce soir avec vous, 20h-22h. On dirait Jennifer Lopez pour la suite. Imposez votre dictature aujourd'hui, surveillez vos drôles d'impulsions, surtout le troisième décan. Les taureaux, le travail ne se fera pas tout seul, retroussez vos manches et mettez-vous au boulot. Les gémeaux, l'ennui et les rabat-joie sont interdits aujourd'hui. Quand on a le cœur à s'amuser, à se marrer, on laisse de côté les mal embouchés. Les cancers, vous risquez de vous mettre dans tous vos états pour pas grand-chose. Troisième décan, on se calme, reprenez votre respiration avant de régler vos comptes. Les lions, une belle journée, pourtant vous manquez souvent de tact et de diplomatie. Les vierges, il y a des petits plaisirs qui vous font chatouiller la carte bleue, mais si ça vous fait du bien, on dit ça, on dit rien. En plus, c'est cadeau, la balance. La lune est toujours chez vous. Résultat, votre élégance sera remarquée. Troisième décan, oubliez les reproches et tout sera presque parfait. Les scorpions, vous aurez la tête ailleurs. Encore aujourd'hui, attention au lapsus. Les sagittaires, une journée ou une soirée entre amis vous rendrait le sourire. Sortir de la routine est l'objectif en cette journée. Les capricornes, envie de tempête, s'abstenir, même si vos idées sont intéressantes, ne dites rien, ça risque de mal tourner, surtout pour le troisième décan. Les Verseaux, pour vous, cette journée s'annonce agréable. Des envies de partir, de bouger pourraient bien vous démanger. Eh bien, laissez-vous faire. Et puis les poissons, c'est en toute intimité que vous vous sentirez bien. Faites une pause douceur dans ce monde agité et prenez le temps d'aimer. C'est beau. Allez, très belle journée à toutes et à tous.

est juste énorme, ce sont Major Lazer à l'instant avec son titre Boom en direct jusqu'à midi. Ça se passe comme ça si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag Morning Radio Mixplore. On est là ensemble jusqu'à midi, on lâche rien. Évidemment, on parlera d'high-tech avec David dans quelques minutes, mais avant ça, la dernière bombe de Niska, ça s'appelle la Mustapha Jefferson. Ah, j'adore ce son, hein. Ça me donne envie de danser. Oh, ça me donne envie de montrer mon âme de danseur là dans le studio. En direct jusqu'à midi, c'est le Morning, bienvenue. Ailleurs sur Radio Mixplore. Bye. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Un max de son dance floor. Oh, AMT à l'instant en direct jusqu'à midi. C'est le morning de l'été, ça se passe comme ça évidemment. Avec évidemment des messages là qui arrivent là, comme Elodie qui me dit en tout cas du côté de chez nous il fait super beau dans le bas de la France. Et ben en tout cas big up à vous, on se réveille dans la tente, en mode camping. Et ben profitez en tout cas des vacances, on est là ensemble jusqu'à midi avec du bon son dance floor. Et la suite, il est gagnant de l'un des gagnants de l'Eurovision, 6ème, bon, c'est déjà bien hein. C'est Amir avec J'ai cherché. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. J'suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. J'suis en feu. Je sors de deux heures de sport, ramène-moi des cheerleaders. J'suis en feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. J'suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. J'suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir j'suis John Covey. J'suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. J'suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. J'suis en feu. Je sens que je vais prier. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Énorme, ce sont un soprano, la dernière bombe en feu en direct jusqu'à midi. C'est le morning en jouant David là pour des infos insolites là en direct hein, jusqu'à midi. C'est le morning de l'été, ça se passe comme ça chaque jour du lundi au vendredi. Une info étrange, inhabituelle, drôle, c'est l'insolite news. L'insolite news. On va parler aujourd'hui du réacteur d'une centrale nucléaire aux États-Unis qui s'est mise en arrêt quelques heures il y a quelques semaines, en décembre dernier précisément, à cause de fientes d'oiseaux tombées sur des lignes à haute tension. Cela a provoqué un arc électrique. En fait, puis par mesure de sécurité, l'arrêt du réacteur. Cet arrêt imprévu est survenu le 14 décembre dernier à la centrale d'Indian Point, située à Buchanan, au nord de la ville de New York. Ce jour-là, la centrale a donc subi un arrêt par sûreté de l'anti-réacteur. Une enquête a alors été ouverte pour comprendre les raisons de cet arrêt. Cette semaine, une commission de l'État de New York a publié le résultat de l'enquête. D'après celle-ci, l'arrêt de la centrale est donc dû, je vous le disais, aux fientes d'oiseaux tombées sur des lignes à haute tension près de la centrale. Ça a généré un arc électrique avant que le générateur et le réacteur de la centrale s'arrêtent automatiquement par sécurité. Depuis, la centrale a revu ses installations et posé des dispositifs anti-oiseaux. En 2013, le réacteur d'une centrale en Suède s'était déjà arrêté à cause de l'accumulation de méduses dans le système de refroidissement. L'insolite news. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me dis quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire.

Radio Mixplore. Tu découvres toutes les plus grosses bombes du moment. This is a new hit. Ici, new hit. Sur Radio Mixplore. Radio Mixplore. J'adore ce son, hein. Bob Sinclair à l'instant, en direct hein, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, en tout cas bon réveil hein, et bon appart hein, pour ceux qui passent déjà à table, et bon apéro là pour ceux qui sont en camping, en tout cas profitez évidemment, et puis à tout le reste là qui part travailler, en tout cas bon courage à eux évidemment, nous ensemble jusqu'à midi, on lâche rien, et la suite, see ya, j'adore ce son, en direct jusqu'à midi. Bye.